On avait la ligne Maginot, les Allemands l'ont. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Eh oui! Oh là là! Hotline Maginot épisode 5. Ils l'ont fait. Le retour. Enfin. N'y croyez pas, hein. Non, mais celui-là, bah, normalement, si on se foire pas, il sort une semaine après celui d'avant. Ah, normalement, on si les plannings sont respectés, quoi. Avoir trop un cool, rythme y a Lucas de 1 par semaine après. En plus, il y a Lucas, il y a Antonin, il y a tout le monde, il y a toute la petite famille là. On la grande famille du podcast. Là. Bon, comment ça va l'équipe? Ouais, petit bah, épisode. Comment ça va? Bah, ça va super. Nickel. Petite. Bientôt le départ en vacances pour moi. Brice Roland, c'est vrai vacances, ça. Je vois que c'est. C'est la fête quoi. Ça y est. Et c'est pour fêter quoi, Kylian, que tu pars en vacances? Il y a quelque chose de spécial? Ouais, bah avec Némi, on est enfin diplômé. Et oui. Nos études. Voilà. Et oui. Tu pourras mettre des applaudissements. Mais les études de quoi? À poil. Des études de droit. Des études de droit à poil, bah toujours. Bah je suis déjà à poil, donc c'est pas mal. Mais non, bah voilà, donc on est un peu content, on va profiter. Allez. Alors, Arthur, dis que ta mère vient nous chercher maintenant, viens nous foutre un procès au cul, on est intouchable maintenant. D'autres, on pourrait s'attaquer. Vous êtes couverts à vie, les gars, maintenant. Après, attention. Vas-y. T'es vraiment diplômé ou c'est peut-être, il y a une chance sur deux que le dossier ne passe pas, le barreau. Alors, écoutez, zéro van, il y a moyen que ça passe pas. Non. Ah oui, mais parce qu'il check ton tes précédents. On est diplômé, c'est ça. C'est que derrière, on a la partie vérification des antécédents et ça peut piquer un peu, quoi. Antécédent médical. Un lien vers le podcast. Pas médical, mais ah, dommage. Antécédent. Ils vont appeler le lycée et je crois que ça va mal passer. Non, mais je vais leur envoyer le Linktree du podcast. Voilà, je pense que c'est terminé pour toi. C'est un bon début pour eux. Donc non, voilà. Donc oh bah là, c'est sûr. Et donc voilà, donc on va fêter ça. On part à Séoul et on reviendra évidemment plus fort avec des actus de Séoul. Oh là là. C'est où? Entre tradition et modernité. De quoi? C'est où que tu vas? Séoul. C'est où que je vais, voilà. C'est où que je vais. T'étais pas là, Brice, mais je pense que je l'ai fait la dernière fois qu'on était au resto 15 fois. Ah. Ouais, parce que Brice, il avait bateau ce jour-là, donc. C'est vrai, il a pas voulu voir ses amis. Ouais, jamais, de toute façon. Ah là là. Et, ouais. Et alors? Ah oui, toi, deuxième Brice, actu. Non, deuxième actu, moi je reviens aussi, je reviens dans pas longtemps. Ah bah mais oui. C'est officiel. Mais en décembre quand même, c'est ça que tu nous avais dit? Ouais, vers décembre normalement. Tu es STF définitivement, sans travail fixe, donc... Ouais, là, je suis même en maladie alors qu'il me reste que quelques jours de contrat, donc... Pas mal. Prêt d'arrêt maladie de 2 ans, donc on va devoir me payer jusqu'au bout. Ah, ça va. Bah super. Ouais, voilà. Et toi, Brice, les un peu actueux? Mais moi, je rentre de vacances. Alors moi, j'avais absolument rien à fêter, sauf le fait de vouloir partir en vacances. J'allais en Corse, ouais. Mais on peut regarder ça pour... vacances de Pax. Ouais, ça fait plus d'un an qu'on est paxé, mais oui. Kylian, ça fait 2 ans. Et tu l'as annoncé la semaine dernière. Bah, je sais pas. Ça... Ouais, voilà, je viens de l'apprendre il y a à peu près 2-3 jours, donc... Brice, t'es en pleine mer ou... Pourquoi? Il y a du vent chez toi, c'est on dirait t'es au ah large. Non, quoi. Pas du tout. Ou alors tu soupires beaucoup dans ton micro. Donc, je pense que le micro était trop près de mon nez. Ouais. Là, il est plus bas, plus près de la bouche. Bon. L'endroit où ça s'est calmé. Où c'est censé être, du coup. Marée basse, il y a marée basse. Ouais, les anecdotes de Corse, on groupera ça avec la Corée dans un grand épisode la prochaine fois où il y aura Lucas et Antonin. Parfait. Je vous le promets. actu du jour, moi j'ai vu là, depuis la dernière fois, j'ai vu un petit article qui était pour une fois pas allemand, mais le titre m'a fait rire. Luxe du sperme de saumon dans les routines beauté, la dernière folie cosmétique venue de Corée du Sud, cartonne aux États-Unis. Bah ouais, okay. Bah écoutez, j'ai vu des trucs où il y a du sperme de saumon. J'ai vraiment vu des produits beauté, je vous donnerai le nom pour ceux qui veulent. Alors, ils nous en ramènent. Mais on a regardé un peu le truc et ouais, il y a des sperme de saumon. bah je cherche que les trucs au spam de saumon, donc forcément. Mais je crois qu'il y a une étape encore au-dessus, c'est d'acheter un saumon et de le branler soi-même. C'est encore plus. Bah c'est circuit court, ouais. C'est un peu mieux pour l'écologie. Après, tu le remets dans l'eau, tout le monde est content. Oui, après voilà. Elle a dit de donc, poser des pareil, fleurs sur les flics point, et branler 2-3 saumons, quoi. Il y avait un article aussi où tu pouvais faire des sacs plastiques avec le sperme de saumon. Putain, mais le saumon bon, a plein de ressources. Plein de ressources, ouais. Comment ça peut être bon pour la peau et bon pour faire des sacs solides en même temps? Ça donne envie de les sucer, surtout, parce qu'apparemment... Oui, il peut se passer des choses de fou. Que des bénéfices, quoi. Non, voilà, c'est un petit peu le dernier truc que j'ai vu. Sinon, moi, j'ai une question pour toi, Julien. Ouais, dis-moi. J'ai une question pour toi, Julien. Est-ce que le PS a trahi aujourd'hui? Ah, le PS a trahi, 15 octobre 2025, le PS a trahi. Mais ce qui est marrant, c'est que demain, c'est la censure, enfin, le vote de la censure. Donc, bon, ça se trouve, ça aura servi à rien, tout ce qu'on fait là pour l'instant. En termes à les insulter à longueur de journée, bon, bah, ça se trouve, la censure va passer. Et ils ont fait ça. Parce que là, rien, donc, pour remettre dans le contexte, ils ont dit qu'ils censurent pas si la réforme des retraites, on annule. On met en pause. C'est ça, à date. On suspend, okay. On annule pas. On met en pause. C'est même pas en suspens, on décale. Donc c'est encore moins bien que vos deux phrases. C'est vraiment, ça va servir à 1 million de personnes 3 mois et moi, on va tous le payer, c'est un scandale. Je cite mon dieu fort qui a dit quand même qu'il fallait se satisfaire de compromis et qu'il fallait aller les chercher les compromis et qu'on pouvait pas tout avoir d'un coup. Sachant qu'on a rien du tout en échange, donc derrière, c'est très bon, quoi. Sachant qu'on l'a juste dans le cul. Mais le PS a trahi, dans 2 semaines, on pose la question, c'est pareil. Ok, petite stat. Petite stat. Si vous prenez tous nos épisodes de ce podcast, en termes de minutes, et que vous les combinez, je crois bien que ça fait toujours plus de minutes que le premier gouvernement de notre cher Premier ministre. C'est qu'il y a moyen, en vrai. Bah, bien sûr. On est à 5 épisodes. On a fait les 14 heures. Ah, peut-être en comptant aujourd'hui. J'ai une stat en plus. Ah, chaque jour où on a enregistré, le PS avait trahi. Voilà, c'est une stat en plus. Je crois, ouais, faut que je vérifie le calendrier, mais je crois qu'on tombe plein dedans, ouais. Faut qu'on vérifie ça avec les équipes, mais il me semble, ouais, qu'ils nous ont bien enculés à chaque fois, ouais. L'équipe qui a une petite actu. Moi, j'en ai une aussi, si vous voulez, j'en ai retrouvé une. Mais qui veut commencer? Moi, c'est en lien avec celle de Julien, parce que ça parlait de sperme. Donc, moi, je vous parlais de masturbation. Fasciné. Donc, on est sur le Var matin, donc classique. Et ça titre, après s'être masturbé dans l'église et au Super U, un exhibitionniste multi-récidiviste remet ça à la terrasse d'un café à Sanary. Voilà. Sympa. Église, il bronze. Super U. Bah, le mec, t'es chaud. Il café. Prend des couleurs. Ouais, voilà. Et après, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, attends, c'était où l'église est où la question. Église, Super U. Je crois qu'il y a une pause après de quelques temps où il est condamné, etc. Et là, il refait ça à la terrasse d'un café. Il fait beau en ce moment encore, c'est l'occasion de. Ouais, c'est ça. Mais la question que je pense que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est arrivé au bout? Ou est-ce que genre c'est juste l'action, quoi? Je sais pas, tu crois que tu prends plus de peine de prison si tu vas au bout des choses ou si tu fais quelques allers-retours et c'est... Ah bah alors, ça dépend où ça tombe. Ça tombe sur quelqu'un, de l'exhibitionnisme à agression sexuelle, donc forcément, je pense que... C'est dans le Super U. Alors déjà, si vous deviez vous masturber... Dans l'agression sexuelle, non? De quoi? T'es déjà dans l'agression sexuelle quand tu étais exhibé, non? Mais c'est il y a plusieurs degrés. Ouais, mais c'est pas une agression, enfin, t'as l'infraction d'agression sexuelle qui est différente de l'exhibitionnisme qui est elle-même une infraction, en fait. Ouais, c'est tout dans le registre sexuel. T'as étudié ou quoi? Ah non, pas du tout, je fais pas de pénal, hein. J'ai été condamné par contre, donc. J'ai pris 10 ans. Alors, moi j'ai une question. Si vous deviez vous masturber dans un Super U, quel rayon vous choisissez? Ah! Bah, croquer le chien, je pense. Hein. Je crois que l'odeur à chaque fois dans ces rayons, elle est folle. Qui s'impose? Non. Bon, un rayon fromage. Ah, quelle horreur! Non, mais pensez en mode un rayon où il n'y a pas grand monde, où c'est tranquille, tu vois, il n'y a pas trop de passage. Tu vois, il faut penser. Voilà quoi. Mais c'est vrai que le rayon manga n'est pas forcément un choix audacieux, judicieux. Audacieux, certes. Mais... Tout qu'il n'y a que des enfants, oui, c'est ça, c'est très audacieux. Donc, non, parce t'as que par trois gosses qui sont. Le rayon pack d'eau, tu peux t'asseoir un peu sur les palettes et tout, tu vois. Puis le rayon pack de bière aussi, tu vois. Et non, mais le rayon pack d'eau, est-ce que tu mets ta bite là où tu sais où tu mets ton doigt d'habitude, c'est dans les... entre les bouteilles plastiques pour faire le trou. Ouais, pour le trou. Bah, bien tu mets ta queue dedans. Tu prends le pack, tu mets les rayons réfrigérés. Ah, t'évites les rayons réfrigérés puisque ça fait. Voilà, ça, ouais, ça, je pensais au truc, tu sais, poissonnerie, mais pareil, il y a toujours un gars ou une meuf qui travaille, quoi. Donc, ah ouais, là c'est chaud et c'est en plein milieu du magasin, souvent la poissonnerie en plus. C'est vrai, mais il y a un aspect graphique qui me plaît. Et voyez, petit, plus, ce petit stand me. Tu peux très bien, oui, il y a toujours de la glace à foison là dans les trucs comme ça. Tu peux très bien faire un petit trou en creusant la glace et mettre ta bite après. Ouais. Exactement. Ah, mais. Voilà. Parce que vous voyez que le côté. Comment dire, artistique de la chose, mais sur le côté pratique, la glace, c'est pas le meilleur truc, quoi. Ah, bah, non, oui, c'est le côté pratique, tu vas au rayon lingerie comme un sale perve, mais. Ouais, même tu vas au rayon canapé, tu vas au bon. Un bon camembert. Déjà, je suis pas sûr de bander au milieu du Super U. Donc ah, bah, c'était une question hypothétique. Ah, attention, moi, je suis sûr de le faire, par contre. Et vous pensez, c'est prémédité ou il rentre dans le Super U et il se dit putain, j'en peux plus, ouais. Faut que ça sorte. Faudrait peut-être trouver le trigger, c'est quoi le point commun entre une église, un Super U, une terrasse? J'sais pas. Qu'est-ce qui intéresse ces personnes en fait? Est-ce que c'est le risque d'être découvert? Qui du coup, le mec est très nul puisqu'il s'est fait découvrir beaucoup de fois, quoi. Et dans ce cas-là, tu te dis putain, je suis là, vas-y, je le fais, quoi. Manque de contact, quelqu'un qui est très seul et le peu où il va, il voit quelqu'un et ça l'émoustille et bim, quoi. Ah ouais, putain. Peut-être les pleurs, j'étais en train de penser, tu vois. Il y avait une meuf à la terrasse d'un café qui se faisait quitter, un enfant à qui on a refusé un jouet Superman, il a pleuré. Une église, une veuve est pleurée, je ne sais pas, tu vois. Peut-être les pleurs qui le triggerent. Ouais, le côté tristesse. Quand il y aura. Sortir du pouvoir. Quand il y aura une série Netflix sur lui en 4 saisons, on pourra savoir. Et voilà. Il n'y a plus Mindhunter et tout maintenant, c'est. Ouais, À ce qui paraît, Fincher est pas contre l'idée de faire troisième saison. Oui, Fincher aime juste l'argent, donc je pense que si Netflix un jour met le tarot, il y aura une troisième saison. Ah oui, mais ouais. Par contre, il a dit que c'était vraiment un manque de moyens. C'est ce que je regardais il y a pas plus tard que 20 minutes sur Internet. Putain, mais lui, il aime vraiment trop le pognon. Il est en train d'adapter la suite du Tarantino là, juste pour le chèque, quoi. Exceptionnel. Après. Voilà, si. Non, mais c'est sidérant quand même, c'est un des plus grands génies de l'histoire quand même, et que le mec, sort pas un film au ciné, il casse les couilles, quoi. Non, mais ouais, le branleur du Super U. Mais du coup, ouais, c'est vrai, attention, parce qu'on n'a pas fait la distinction entre. En fait, c'était un exhibe, genre en mode il voulait se montrer, ou c'était un branleur genre, il s'est masturbé, l'article dit. Mais à qui mieux mieux, quoi, genre. Écoute, je lis l'article un peu mieux. Flagrant délit par la police. Le mec bite en main, quoi. Septuagénaire. Ah. Salaud. Et après, faut payer pour la suite de l'article, donc. On saura jamais. Bah après, je reprends le lead, voilà, je reprends ton actu. Tu reprends le mic. J'ai une septuagénaire aussi qui a été condamnée dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous sauriez deviner pourquoi? Attends, la même chose. Non, elle est soupçonnée, elle n'a pas été condamnée. Elle est soupçonnée, elle s'est fait arrêter. La même chose. Alors non, pas la... Non, c'est pas juste une femme qui fait la même chose, mais il y a un... Rien à voir avec le sexe, vraiment. Elle a cogné un enfant, par exemple? Alors non, puisque ça, c'est une actu que Lucas nous aurait bien dit s'il était présent, donc... Puisque c'est dans sa région, plutôt. Mais, et c'est mais qui? Ah oui, Lucas, c'est Nawel Madani, c'est ça qu'elle s'appelle? Ouais, c'est une humoriste ou un truc comme ça, non? Ouais, ouais. Mais déjà, déjà une meuf qui a fait un film sur des chiens et des chiens qui parlent en 2024, donc ce qui est vraiment gage de bon ça... cinéma et de, et de bon goût artistique, quand même. Et surtout d'un bon contrôle de soi aussi. De quoi, pour mettre le kick à l'enfant, ouais. Ouais, bah alors ça, c'est fou. Hein. Moi, je reviens pas. Non, alors, c'est un truc un peu moins. Disons que c'est quelqu'un qui aime. Comment dire? Elle aime les barbecues, la mamie. Bah, encore, c'est encore le vol des saucisses, là? Tu nous ressors les mêmes choses toutes les semaines. Non. Elle aime un autre aspect des barbecues qui est autre chose que juste manger des saucisses. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un barbecue? Tu t'en mets partout, le gras des saucisses. Alors, non, avant ça, avant de mettre les saucisses sur le grill. Tu picoles. Alors, tu les achètes, les saucisses? Ah oui, d'accord. Alors, le non, toujours pas, putain. Ah, tu vraiment, démarres un feu. Barbecue, hein, vous... Elle a démarré un feu. Démarre un feu. Ouais. Alors, elle a pas démarré un. Est-ce que vous. 130 vous en même temps. Dans la forêt de Rambouillet. Moins, mais il y a un certain nombre quand même. Une dizaine? Mais c'est... Je sais pas. C'est quoi, 13, ça, la déma... c'est 13 quoi départs de feu. En gros, il y a une femme de 76 ans qui a été interpellée pour 13 départs de feu. Non, au fur et à mesure. Non, pas en même temps, mais au fur et à mesure, mais ça veut dire quand même en que... En même temps, c'est audacieux. 13, c'est beaucoup. C'est même 13, c'est-à-dire que la vieille, elle se casse, elle prend un petit carton, elle fait « Allez, bah, je vais foutre le feu ici », et elle se casse. C'est quoi, en forêt et elle ou au milieu d'un super-U? Alors, le pourquoi, bah attendez, je vais sur l'article. Non, mais où surtout? Pourquoi ça veut pas... Bah là où ça brûle bien. Alors, cette femme de dos... Ah oui, parce qu'en plus, il y a une photo. Et donc, la preuve avec une femme de 76 ans présentée à un juge mardi, donc c'était 26 août, hein, et incarcérée, soupçonnée d'avoir allumé une dizaine de feux ces dernières années. Cette femme est septuagénaire, mise en cause dans 13 départs de feu avant l'audience cet après-midi, elle a avoué ne pas savoir pourquoi elle s'est livrée à de tels actes. L'adjoint au maire de son village exprime surtout de la compassion pour cette femme de 76 ans. La pyromanie, ça se soigne, il ne faut pas l'accabler non plus, elle a besoin d'un traitement. Elle a foutu le feu 13 fois à une forêt, mais... Est-ce que ça a causé des dégâts ou à chaque fois ça a été ok? Alors, ça se trouve, elle est nulle en ce moment. Il y a les 5 départs de feu. À ce moment-là, personne ne soupçonnait que l'incendiaire pouvait être une septuagénaire. C'est scotchant de dire que si près et à cet âge-là, il y avait des gens capables de faire ça, affirme un habitant. 8 autres départs de feu avaient eu lieu dans la même commune il y a 3 ans. C'est plusieurs années maintenant qu'il y a régulièrement des petits départs de feu dans les... C'est-à-dire que chaque année fait. Bon, allez, on va retenter. On va retenter, on va voir ce que ça donne. Mais on dirait que c'est tout petit, comme ils en parlent. Ouais. Genre, c'est rien. Oui, c'est en mode, elle a foutu le feu à une poubelle. C'est... Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, tu sais, genre, elle a volé une baguette de pain, quoi, une fois de temps en temps, pendant 2 ans. Alors que pas du tout. Non, mais alors... Donc, en gros, ils disent qu'elle est arrivée dans le village il y a 15 ans. Elle a été... elle est dans différentes associations. Et elle est dépressive. Et elle a reconnu être très angoissée depuis des années. Donc voilà. Et donc le jugement est censé intervenir parce que c'était le 3 octobre, mais j'imagine qu'on l'aura pas. Donc voilà. Donc, alors, est-ce que vous avez déjà assisté à un feu? Parce que pour le coup, ça peut être hyper impressionnant. Bien sûr. Bien sûr. Bah, toi, Brice, l'année dernière, enfin cette année même. J'ai vu un feu, il n'y a pas plus tard que... Non, mais le feu de Marseille, moi, j'ai rien vu chez moi. Mais... Enfin, j'ai pas été touché du tout. Mais pas plus tard que 2-3 jours après, en plein milieu de l'autoroute, un départ de feu. Et 2 mecs qui essayaient de jeter leur bouteille de cristalline. Bon, je sais pas si ça a marché. Mais en tout cas, je suis repassé le lendemain, il n'y avait pas grand-chose, donc ça a dû être vite être arrêté. Mais... Et puis, il y a une plaine vide, brûlée, noire. Il y avait juste une croix qui brûlait là où il était Brice, donc... Alors, pas droit de parler de la Corse, pardon. Attention. Mais sinon, moi je sais que quand j'étais gosse, enfin pas gosse, quand j'étais au collège, en gros à côté de l'arrêt de bus il y avait une poubelle. Alors je sais plus si c'est, bah, j'ai pas, ça fait pas assez longtemps, je peux en parler. Mais en gros, il y a une poubelle qui a brûlé à côté de l'arrêt de bus et je sais pas qui ça peut être. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé Kylian. Exactement. je sais pas qui ça peut être, mais putain. Je m'en souviens plus. Non, je me souviens plus si j'ai à voir quelque chose à voir avec ça. Mais comment ça, mais gars, je sais que c'était. Non, ça, mais en gros, c'était toi. Des pétards. Il y avait des pétards. On foutait des pétards dans les poubelles, sauf que Et t'as brûlé une poubelle, quoi. Je crois qu'il y en a une qui a. Non, moi, j'ai rien brûlé du tout. Je pense que c'est pas vrai. Ah, putain, tu peux nous le dire, c'est bon. Bon, voilà. Il voilà attend d'être diplômé. Non, mais vous inquiétez pas, t'inquiète. Ça va, tout va bien. Il s'est rien passé, c'est juste une poubelle qui a brûlé. Après, ils l'ont remplacé. Hein. Que le feu, c'est fascinant, quoi. Enfin... Ah, par contre. Vous aimez pas trop allumer des barbecues? Moi, des fois, on me fait allumer la cheminée, mais j'adore. Je regarde pendant 10 minutes mon feu. La cheminée, c'est pas mal. Trop bien. De mes propres mains, tu vois. Je le regarde, je souffle dessus un peu pendant une demi-heure. Non, c'est incroyable, c'est fascinant. Non, ouais, je suis d'accord. Ça, t'as l'impression de dompter quelque chose qui te dépasse, en fait, avec un feu, quoi. C'est un peu. Surtout quand tu réussis. Quand il prend, quoi. Parce ouais, que parfois, ouais. T'es en mode, mais quand il prend, quand il prend pas, oui, t'as envie de pleurer, bien sûr. Ouais, tu penses que t'es une merde. Même un homme préhistorique faisait mieux que toi. C'est comme un peu quand tu fais un barrage, que t'es dans un cours d'eau, quoi, que tu te promènes dans la montagne et que d'un coup, tu te dis, putain, je mets des cailloux. Et tu te dis, je maîtrise l'eau, quoi. Enfin, je peux l'amener où ça? Ou la retenir. Je maîtrise l'eau. Non, mais c'est vrai. Voilà. Quand tu creuses un trou à la plage, quoi. Ah putain, vous avez vu ces gens qui creusent des trous entre la plage et... Et une rivière. Et une rivière, et en fait, c'est genre totalement une connerie, parce qu'après, c'est de pierre en pierre, quoi. Le truc, ça c'est horrible, la vidéo. Mais de base, on est d'accord que nous, on pense pas du tout que ça peut être mal. Tu vois, on aurait pu le faire, genre. Ah, mais évidemment. Ah bah. Et même, genre, mais quand je l'ai vu, j'ai fait... Évidemment que ça peut nous arriver, quoi. Tu penses pas aux conséquences énormes? Et vu les proportions qu'il y a eu après, je fais évidemment que ça peut nous arriver, quoi. Et on l'aurait fait jusqu'au bout. Le mec, il commence avec une tranchée, elle fait 5 ouais. cm de large, mais c'est ridicule, jamais ça ouais. T'as 10 mètres après, t'as 10 ouais. mètres de large, le truc, c'est un cours d'eau de ouf. Ah, mais t'as l'impression qu'ils vont crever dans la vidéo, quoi. Vraiment, il y a un espèce de truc qui arrive, tu fais, bah, c'est terminé. On va devoir changer la carte tout jamais, quoi. Bah, qui prend, qui a une autre actu, là ? Moi, si vous voulez, j'ai une transition de vieux. Vas-y, vas-y. Ah, on t'écoute. En Allemagne, il y a une femme de 85 ans qui, quand elle a mal au dos, elle a trouvé une petite astuce. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Elle se met à poil dans la rue. Ah, elle baise. Non. Non plus. Ah. C'est une solution. Laisse pas dans la rue. Quand elle a mal au dos, ça peut arriver à tout moment, genre. Ouais. Au milieu de la nuit, c'est un peu chaud. Mais. Ah. Si elle se lève un jour et qu'elle dit j'ai mal au dos, elle peut faire son truc. Elle allume un feu ? Non, non. Ah. Très feu après ça. C'est un truc qu'elle fait sur elle-même ou c'est un truc qu'elle fait, qu'elle part faire quelque part C'est plus un truc qu'elle part faire quelque part. Oh putain. Elle va tuer quelqu'un. Non. Ça a un rapport avec un médicament ou pas du tout ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est absolument genre... pas scientifique comme méthode. Est-ce que genre t'es allé au bar et boire un coup ça passe en fait. Non, se tue pas à l'alcool non plus, Brice. On sait que c'est ta méthode pour plus avoir mal, mais. Ouais, pour plus ressentir la vie surtout. Oui, même le matin pour te réveiller ou le soir pour t'endormir ou quand t'as faim. Ou... Est-ce que c'est quelque chose d'interdit par la loi ce qu'elle faisait ? Oui, sinon non, il y aurait c'est... pas l'air. Ah non ? Non, non, c'est bizarre quoi. Elle se fait marcher dessus ? Non. Rouler dessus par un bus de préférence. Mais il y a un délire de elle fait quelque chose de peut-être un peu violent quoi. Elle saute en parachute. T'es sûr qu'elle baisse pas hein. T'es sûr que t'as bien lu et elle baisse pas hein. Elle baisse pas non. Elle fait pas un saut parachute mais on est dans le délire où elle fait un truc extrême. Ah le truc où tu sautes dans le pont là. Un saut à l'élastique. Non. Putain ça serait pas mal ça pour mettre le dos en place. Ah, putain je pense que ouais ça tire sur les pieds c'est. Ah mais t'es pas accroché par les pieds si. T'as une sangle au niveau de la taille et une sangle au niveau des pieds. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est pas bah ça. Sinon, ça tire ta colonne vertébrale vers l'arrière. Je suis pas sûr que ce soit très bon. Ouais. Bon, en tout cas. Un truc extrême. Elle fait du BMX. Non. Mais j'adorerais. De l'acrobranche. Elle court un marathon. Bah là, c'est moins extrême, là. Elle marche entre deux arbres sur un fil. Non. C'est vrai, elle fait ça ? Non, bah non. Ah, putain, tu nous donnes l'info. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Donc, spectaculaire. Est-ce que c'est un truc qui nécessite une tenue particulière ? Non, un équipement particulier ? Pas du tout. Elle prend pas l'avion, par exemple. Elle va pas prendre l'avion ou un truc comme ça. Non. Est-ce qu'elle prend sa voiture pour y aller ? On sait pas. Je pense ou elle y va en bus. Ok. C'est pas elle très loin de chez elle. Sur... Ah. Elle habite. Bon, ça va pas vous aider, mais je peux chercher. Elle va au club échangiste. Mais non, elle baisse pas, non. On a dit. Ah, putain, après, mais... attention, elle peut faire d'autres choses. Elle habite près de Heilbronn. Pas super, ça nous aide pas du tout. Un truc extrême. Est-ce qu'il y a un outil dans ce truc extrême ou c'est juste elle fait un truc. Elle fait un combat de boxe. Non, il y a quelque chose. Enfin, il y a une. Il y a quelque chose quoi. Il y a une activité ou... Oui, il y a une activité. Ouais. Elle fait une activité un peu extrême chaque fois qu'elle a mal au dos. Mais plein d'autres gens font cette activité extrême, c'est pas que elle. C'est... Non, c'est pas que elle. Ouais. C'est bizarre pour dire tiens, quand t'as mal au dos, tu fais ça quoi. Tu fais du kart. À plusieurs Ça peut se faire à plusieurs, ouais. Même t'es à plusieurs ouais, quoi, quand tu le fais. Elle baise, t'es sûr, elle baise pas. Elle baise, non. Je suis quasi sûr. Tu commences à me faire douter, mais. Est-ce qu'après l'activité elle baise? Apparemment, elle peut baiser après. Elle peut même pas baiser pendant, mais bah c'est chaud. Elle part en vacances ? Ah, elle peut pas pendant. Non. Bah alors, Brice. Parce qu'on baise pas en vacances. Ouais. On revient d'où, là ? Ouais, pour le taf, moi, avant tout. Hein, pas de... Est-ce qu'il y a un ballon ? Alors... Non. C'est un five. Est-ce qu'elle fait de l'escalade ? Non. Mais est-ce qu'on est dans les sports extrêmes ? Est-ce que c'est ça ou pas du tout ? C'est pas un sport extrême, c'est une activité ouais. Un peu extrême. C'est pas un sport. Elle vote à droite. Elle va voter à chaque fois qu'elle a mal au dos, elle va voter. C'est quoi le lien ? Enfin, c'est quoi la différence entre une activité et un sport extrême ? Parce que c'est pas un sport, le truc qu'on cherche, quoi, tout simplement, c'est une activité. Voilà la différence. Non, vous étiez pas loin avec des trucs genre prendre l'avion, tout ça, quoi. Genre ça va secouer, le soir en parachute, quoi. Elle prend le bateau. Parce qu'elle va elle prend des cours de pilotage. Non. Elle fait de l'ULM, du parapente. Non. Mais on est peut-être pas dans les airs, Kylian, attention. On est pas dans les airs. Ah, est-ce qu'on est dans la mer? On n'est pas dans la mer, sur Terre. On est sur la Terre. Ça peut elle aller rampe. Un peu dans les airs après, mais... Elle rampe? Ça dépend, quoi. Elle rampe pas, non. Elle n'est pas Splinter Cell sur son temps. J'aurais pas au parc pas, proche, elle rampe. Du racing ou un truc comme ça? De rampe. Non, non, elle fait pas de racing. Du skate? Eh oui, elle claque un ollie décalable au dos. Sans déconner? C'est... Ben non, non. D'abord, tant j'y ai cru, moi, j'y ai cru. Ah, merci. Très convaincant, Julien, quand tu nous dis non, en tout cas. Non, mais ça reste une femme de 85 ans, voilà. Ah, putain, c'est vrai. Bah, elle se fait pas masser. Non, elle va chez le kiné. Elle va chez le kiné, en fait. Elle va chez le kiné, elle a plus mal au dos. Elle met de la crème, par exemple. Est-ce que c'est payant comme activité ou c'est totalement gratuit? C'est payant, et d'ailleurs, vu qu'ils ont fait un article, maintenant, c'est gratuit pour elle. Tu connais le prix? Enfin, tu pourrais nous dire une fourchette? À ton ça, avis, c'est, hein. C'est assez cher. Ouais. Enfin, ça dépend. En fait, ça dépend le lieu exact. Les types de lieux, c'est plus ou moins cher. Et le lieu où elle est, vu que c'est un petit truc en Allemagne, bah, ça va être un peu moins cher. Mais c'est peut-être. Elle va au cinéma. Non. C'est pas du tout extrême. Pas hyper extrême en tout cas. J'en sais rien. Ça peut être de 30 à 90 balles. Ah, la journée, voilà. Quoi, on va sur 1000 balles par exemple. N'est pas sur au golf. Non. Une activité extrême qui n'est pas un sport. Il coûte moins de 100 euros. Je suis sûr que les deux personnes qui nous écoutent, elles ont compris. Tu vous l'avais sont, c'est de gros cons, mais. Ah ouais, il y a moyen de vous passer à côté d'un truc. Je sais pas si c'est évident, mais vous tournez autour, quoi. Donne un indice. Petit indice. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est quasiment un moyen de transport, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, elle est assise pendant que ça se passe, quoi. Elle fait du vélo? Non. Elle est à cheval? Non. Il y a un animal dans le dos ou pas du tout? Non. Il y a un moteur? Oui, de fait, ouais. Elle va faire de la moto? Non. Extrême. Ça secoue, quoi. Elle va à la fête foraine. Ouais, et plus particulièrement. Elle fait les montagnes russes. Exactement, une femme de 85 ans a déjà fait 3333 tours de grand 8 pour soulager son dos. Et en vrai. Ah putain, c'est sûr que ouais, ça doit secouer, ça doit pas faire. Mais. Pas mal. Faut un truc qui tourne ou qui monte et qui descend vite, au moins ça t'étire quoi. Ah, mais elle doit avoir ses entrées. Hein. Mais après, je pense qu'aller chez le médecin, ça peut aller un peu mieux quand même. C'est vrai, mais bon, après, elle a mal trouvé de dos, sa méthode. C'est l'enfer. Hein. Mal de dos, enfin, moi j'ai les lombaires en vrac tout le temps. En de vrai, là, je aller me dis, à... si j'avais un... De là à Disney. Non, tout le temps. Bah, j'en ai pas à côté Coral. Après. Je vais à Disney tous les deux jours, je monte à Paris, je vais à Disney, je rentre après. Non, mais ouais, c'est une belle histoire. L'histoire pourrait s'intituler La vieille dame et le grand 8. En tout cas, c'est celle de Ursel, 85 ans, qui souffre sévèrement du dos. Plutôt que payer des séances de kinésithérapeute ou des infiltrations, elle s'offre depuis 12 ans des tours de manège. Et pas n'importe lequel, temps, puisque raison, c'est sur le grand 8 hein. D'un parc d'attractions proche d'Heilbronn, à une centaine de kilomètres de Strasbourg, qu'elle va se soigner. Frissons assurés, douleur envolée, alors pas de raison de se priver. Et vous pensez que c'est qu'une attraction et elle repart, ou elle se dit, bah maintenant que je suis là, elle prend un petit. Ouais, je pense qu'elle profite, hein, elle est à la retraite, profite, ouais. Justement, parce qu'elle a la belle vie, la réponse, elle profite ouais, un peu. Oh. Ah. Ursula passe le plus clair de son temps dans un parc d'attractions de machin sur son manège préféré, le Carraro, qui vous envoie de 0 à 100 km à l'heure en 1,6 secondes pour enchaîner les loopings et les vrilles. Donc, déjà, c'est pas un truc de PD, comme j'ai envie de dire. Oh, de ouf. Attention au P-word. Oui, pardon. P-word. C'est pas un truc de PD, voilà. Je me redis, j'ai pas un truc d'autre mot. un remède miracle, paraît-il, comme elle explique à la télévision allemande, elle le fait jusqu'à 50 fois d'affilée. Même ses petits-fils n'arrivent ah ouais. plus à la suivre. Mais elle est on pas est malade. Sur une barjo du grand 8. Hein. Mais je pense que ça doit lui faire des sensations de fou qu'elle a. Ça l'a fait vivre, quoi. Elle se sent vivre après. Sachant que ça laisse certains médecins plutôt circonspects. Donc, une folle apparemment, hein, faut le croire. En fait, juste, elle va là-bas, elle fait, ouais, j'ai plus mal. En même temps, elle a perdu l'usage de ses jambes juste après, donc. Ouais, ils disent que ça fait du bien au moral. Bon, bah, écoutez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a chopé la boue gratuite à vie, parce qu'avant, elle payait. Bah bien sûr. Je sais pas c'était combien, Ah, mais fois attends, et... 3333, ça fait un peu cher. Ouais, c'est Elle a vrai. une retraite. Nous, on n'en aura pas de retraite, d'accord? Ah ça, merci Olivier Faure, merci pour tous tes Merci efforts. Olivier Faure. Merci Ça arrive en Valo plus. aussi. Ah bah l'eau, ton gros doigt. Et puis voilà. C'était la petite actu sur la vieille. Brice, as-tu une petite action à nous proposer? J'en ai deux, c'est plus un débat pour vous. Je vais vous lire Oh. l'article quand même, enfin le On titre. aime débattre ici, on aime débattre. Alors attendez, je l'ai mis où? Ah. Bah, j'aime plus débattre, ça c'est. Ah, Ça et vient de fin dépasser. du débat. Il y a le maire de Marseille qui laisse un peu de répit aux trottinettes électriques en libre-service et après il a dit que ça serait sans doute fini. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce truc qui est apparu il y a quelques années dans nos villes? Est-ce que vous êtes client? Est-ce Moi, ça n'a que. jamais pris sur moi, ce délire. Ah, attendez, moi je me souviens d'une soirée à Oh Budapest où on était tous les trois clients. non, Non, moi, ça m'avait soufflé très vite. Ah non, on était deux, ouais, on était deux clients, c'est vrai, on était deux De bons avec. clients et un mec moins. De bons clients, et Moi, je voulais juste boire des bières, un hein, mec vraiment, saoulé. j'étais leur mission. Bah écoutez, moi à Montpellier, je sais qu'on n'a pas de trottinette électrique Moi, du je parlais tout. pour les Le grandes villes en France, tram. Le tram gratuit. On a les vélos. On a le tram gratuit, ouais, mais on a les vélos et je sais même pas si les vélos sont électriques ici. Je sais qu'à Paris, il y a Non, mais les une vélos partie qui électriques, est c'est une électrique. arnaque. Hein. Je crois bien que c'est très dur à Ah, que trouver. ça marche pas, tu penses? Ben, je crois, ouais. De quoi les Ah, bah fais vélos? chier du coup. Les Vélib électriques, les Vélib, ça marche à peu près. Ah. Ouais, de trouver le modèle électrique chargé qui est assez pour là où tu veux aller. Ouais, ça va être chiant. Déjà, C'est trouver un cher en Vélib en plus, bon non? état, c'est chiant, je crois. Ouais, j'avoue que je crois que. J'avais vu une vidéo YouTube, le mec avait l'API des Vélib était enfin public, mais c'était pas fait exprès de leur part, quoi. Et du coup, il calculait le meilleur Vélib à récupérer. Genre, le Vélib qui avait parcouru le plus de kilomètres le plus récemment, c'était de fait un Vélib en bon état. Et du coup, son application lui disait d'aller prendre celui-là, quoi. Ah bah tu vois. Tellement le mec Ah, du coup c'est un galérait cercle et vicieux. il a codé des Parce que trucs de du coup fou. t'as. Et après, tu l'uses et après, ouais, mais il n'y a que lui qui a l'application, donc ça va, il est tranquille. Ok. Mais alors mais du coup petit enfin tu lances le débat donc petit coup de gueule. Je pense que je déteste les cyclistes. Je n'ai aucune sympathie pour eux, je trouve que c'est des sales cons Mais tu sais ce que disent les et je les cyclistes? déteste. Des C'est des sales merdes de automobilistes? pute, voilà, je. Les cyclistes Je suis pas disparaissent de. automobiliste après, donc. Mais t'es ah, t'es scooteriste, attention. Non, mais et attends, enfin, même toi, il regarde rien. Le code de la route, il se torche avec. Il y a rien qu'en sort. Oui, Il y a mais rien de bien. aujourd'hui. Alors, juste, je finis parce que vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Le pire, mais vraiment le pire, c'est tes zones piétons. Tu marches, ils te font la petite clochette de salope là. Voilà, et ils te clochettent la gueule et il faut aller, hop, on se décale, on se décale. Bah, va te faire enculer, toi. Non, c'est vrai que c'est des Pardon. vraies merdes. Oui, Pardon, mais pardon. Mais ouais, les dire que cyclistes. nous, les automobilistes ou autres, on est irréprochables et on n'a jamais, tu vois, Ah on non, mais a jamais. attention, les automobilistes, vous êtes des salopes aussi. Attention. Voilà. Non, mais si t'en as pas assez, on peut t'en Tout le monde mettre est une aussi. salope, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais les cyclistes. Attends, ils grillent les Non, on feux n'a pas parlé rouges. des motards. Attends, oui, ça va venir. Ah, bah, ça va venir Ouais, encore ça va pire. venir, attends. Parce que les motards, c'est pareil, Après. hein. Les cyclistes, ils ont ce truc d'être énervants, je suis d'accord. Ils ont un petit côté, Ah, je c'est suis le à vélo, casque, je hein. suis mieux que toi, tu vois. Genre, je sauve la planète, voilà, tu vois. Pendant que toi, tu roules. Ah, puis je grille les feux rouges, il n'y a pas de priorité qui existe, j'ai mes Non. écouteurs, je t'emmerde, je te clochette la gueule. C'est des petites salopes. Mais je Et. suis d'accord, mais on dirait que ça les emmerde de faire du vélo, moi, c'est ça leur truc. Comment ça? Non, ils kiffent, au Mais je pense que contraire. ça les emmerde. Non, mais je sais pas, ils sont tout le temps soit pas contents, et après, soit. Bah, du coup, soit ils te klaxonnent la gueule, machin. Enfin, soit ils te font. C'est même pas klaxonner, hein, c'est ridicule, c'est une sonnette à la con, hein, ils Ouais, leur c'est mettent une dans le cul. clochette de merde. Et du coup, il faut leur clochette de merde. Soit ça, soit ils les ont dans les transports en commun. Donc, ça ne vous plaît pas de faire du vélo. Ah bah Vous n'êtes ça, soit ouais, pas ça c'est heureux, de soit vous l'enfer. l'utilisez pas. Donc. Mais alors, pire encore, tu vois la différence entre les cyclistes qui ont des vélos électriques et ceux qui n'en ont pas? Et bah, ceux qui ont un la vélo taille électrique, du cul, hein. Pas électrique par exemple, ils... ouais, alors déjà, et puis surtout, ils s'arrêtent au feu par exemple, parce que je pense que c'est une... un moment de pause. C'est un moment de pause là où les autres, c'est l'enfer quoi. Non, mais il y a encore pire. Il y a des mecs, ils ont un vélo, ils ont des enfants, ils ont sans doute une voiture. Et puis c'est... le matin, pour amener leurs trois gosses à l'école, ah ouais. Ils se disent, je vais les mettre dans une remorque de vélo et je vais faire chier tout le monde parce que ça, c'est affreux comme truc. Ça passe plus tard. C'est vrai qu'on dirait qu'ils les détestent leurs enfants quand même. Et ça prend de la place. Bah, ils sont en mode j'espère on me cogne aujourd'hui. Et quand imagine, on cogne l'arrière de... imagine, t'es en CM1, ton père te livre en vélo de coursier là. Mais, C'est délivre ou des gosses. Je te jure. C'est vrai que ça donne envie mais de passer le permis très tôt, je pense, quand ton daron il commence à faire ça. C'est le matin, papa, après... papa, on peut pas prendre la voiture. Non, non, on va prendre le vélo, c'est à côté l'école. Ah, ok. Non, c'est trop cool, putain. Le vélo. Non. C'est Freddy Gladieux qui fait les vidéos de cyclistes. Ah bah voilà, petit big up à lui parce qu'il résume bien la situation quand même. Et je sais qu'il nous écoute en plus, Freddy. Ah, un grand fan, oui. Mon pote. Fredos. Non mais en vrai, ouais, putain, ses vidéos sont là-dessus, c'est hilarant quoi. Mais attention, parce que mais pas plus tard qu'aujourd'hui, c'était genre une journée de sensibilisation à Paris sur le mieux vivre ensemble sur la route, dans les rues et tout ça. Oh là là. Et en fait, tu demandes au cycliste qui est le connard, c'est les autres. Tu demandes à l'automobiliste qui est le connard, bien c'est sûr. Les autres. Tu demandes au piéton qui est le connard, c'est les deux autres. Enfin, c'est un problème sans fin. Après, à Paris, t'as une chance sur deux qui te répondent Annie Dingo. Donc, oui, aussi. Ça biaise le sondage, disons. Et disons que la vérité, c'est que c'est les cyclistes les plus emmerdants. Voilà, proposition. C'est pour tes municipales à Montpellier là, tu brigues la mairie là. Du coup, c'est quoi ta solution contre les cyclistes? Enfin, tuer tous. Ok. Ah, quand même. Non, solution contre les cyclistes. Les tuer tous. Remettre, J'y arrive, hein, mais je vois que ça quoi. Ah, non, mais... non, mais je vois pas les sensibiliser au feu rouge quoi, bande de à connards. Mort, quoi. Vous savez ce qu'il y a pour les chauffeurs de camions des fois? Pour leur montrer que leurs camions ils font peur et tout, les gros camions, les camions quoi. On les fait se mettre sur un parking, il y a un mec qui conduit un camion et on leur dit de pas bouger. Et le mec passe aussi près que eux, ils passent près des gens et des voitures et tout. Ah et les ouais, mecs, après, j'ai ils vu aussi sur le vélo disent, aussi. En fait, ouais. Voilà. Peut-être qu'il faut faire ça aux cyclistes. Il faut leur mettre des petits klaxons de vélo dans la gueule pendant une journée. C'est vrai que la petite c'est sonnette, ouais. Ils subissent aussi, mais qui se saluent entre eux, ils sont en mode ah bah grosse merde, salut, grosse merde 2, voilà. J'ai vu ce cycliste qui filme tout à Paris et en fait. Dès qu'il lui arrive un truc le plus petit du monde, un mec qui va un peu lui couper la route, mais qui c'est va ça, s'arrêter. C'est ça, Freddy Gladieux, il se fout de la gueule de ce gars. Ah ouais. Et le mec en voiture va direct s'excuser, il va s'arrêter, genre le vélo ne doit se décaler que d'un mètre, tout va bien. Le mec filme, il crie, il insulte, je vais appeler la police, il tape sa voiture et tout. Enfin, c'est quand même. Il y avait le gars qui collait les stickers aussi, ouais, garé lui, comme c'est... une merde là. Voilà, lui c'est encore un autre problème, c'est pour voilà. Ah ouais, lui c'est un gros fils de pute. Mais il est à vélo, ceci dit. Ah ben clairement, mais bah, lui, il faisait des vidéos jusqu'au ça jour perd, hein. De se faire casser les deux jambes quoi. Mais lui, je crois qu'il aime bien se faire taper. Ouais. Ah ouais, mais il y a des gars comme ça. Pareil, je regarde beaucoup François Damiens en ce moment là, les vieilles caméras cachées. Je pense qu'il a un kink de se faire taper quoi. C'est vraiment on est sur quelqu'un qui cherche vraiment à se faire cogner H24 quoi. Et c'est comme Greg MMA, il fait des vidéos où il va dans la rue, il demande à des gens de se taper contre lui. Après il se fait casser la gueule. Il ah écoute, ouais. On avait parlé de ça ouais. Mais ouais, ça me fascine toujours autant. Il s'est pris un KO la dernière fois en plus là. Putain. Pas dans la rue mais en vidéo. Non, et les cyclistes, truc très énervant. Il y a un trottoir. Et maintenant la mode c'est que les pistes cyclables sont au milieu des trottoirs dans les grandes villes, dans les villes, dans les grandes rues genre. Et du coup toi des fois tu marches, ah, ouais. T'as pas compris que t'étais sur sa piste cyclable parce que le sol il est un peu pareil que tout le reste quoi. Il y a la place de passer, hein. Il y a pas fou le mec te klaxonne parce que en fait c'est lui voilà. Ouais. Mais encore une fois, c'est Freddy Gladieux, quand il refait pas, il reprend. Je les ai pas vus tout. Ces vidéos, donc, mais je vais aller les voir maintenant que tu m'en parles. Ah, c'est très très bien. Ah ouais, c'est fort, hein. C'est très fort. En plus, sa voix. La voix prend est une parfaite. Voix suraiguë, c'est incroyable. Non, mais c'est il incroyable. Hurle en plus, enfin, c'est fou. Par contre, mais du les coup, amis, pour revenir au débat de. Tous les cyclistes à dos. Juste, non, mais dis-moi. Au débat de la trottinette. pas d'avis, même si c'est un peu le même délire que, enfin, même combat qu'avec les cyclistes. Par contre, les trottinettes débridées, quand ça va à 50 km/h, je suis tout le temps comme un ouf. Parce que je me dis, le mec, un croche-patte, il va sur Mars, quoi, le mec. Il passe à travers une vitre. Et t'en rêves, un mec de qui mettre, traîne. Quoi, ah, non, mais alors ça, c'est fou. Mais juste, tu pousses en plus. Tu sais, genre, tu t'as rien à faire, hein. Pichenette, même faire une feinte, ouais, rien. Il meurt, hein. C'est vrai que les trottinettes, ça paraît la tellement... La feinte, c'est fort. Ah, une feinte, t'as rien, c'est extraordinaire. Le mec, je pense qu'il... Enfin, il est râpé sur 200 mètres, quoi. Il est en carpaccio sur la route. Ah ouais, moi, je trouve ça... Les trottinettes débridées, je trouve ça tellement fou. Je trouve que ça va tellement vite, en plus, c'est fort. C'est dangereux de les avoir à côté de toi, apparemment, déjà. Des trottinettes tuning, un peu. Genre, elles sont grosses, elles ont des appendices un peu tuning, genre, elles ont des lumières, elles ont des gros phares inutiles et tout, vous avez pas eu? Mais ça, mais... Bah. Elles ont des suspensions comme si c'était un BMX, tu vois, enfin genre, enfin pas un BMX, au contraire, un vélo de, je sais pas, de mec qui fait beaucoup de vélo. Un truc de merde, quoi. Trottinette flippée, putain, mon gars, c'est quand même... Faut le vouloir, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas qu'elle est... Tu l'achètes comme ça, tu la payes plus cher, parce qu'elle est en tuning. Genre, elle est déjà okay. Lumière, LED, enceinte Bluetooth, tu vois. Ah ouais, mais... C'est spécial, quoi. Faut aimer, ouais, ne pas avoir de potes. Ou... Parce que les gens qui ont la petite trottinette électrique Xiaomi, là, celle que tout le monde a, pourquoi pas, tu vois, ils sont ouais, utiles. On s'y habitue, hein. C'était rigolo au début, mais... Oui, c'est ça. Après, ça marche, hein, quand même. Hein. Ça marche, et surtout celles qui sont en libre-service. Des fois, tu arrives dans des endroits à Marseille où il y a une zone entière, un endroit entier où c'est la zone des trottinettes, parce que ça marche par zone, tu peux aller, c'est où tu veux. Et en fait, c'est une place qui devient totalement dédiée aux trottinettes, quoi. Enfin, c'est fini. Ah ouais, et elles sont toutes par terre. Bah, je sais pas si vous vous souvenez à Budapest aussi, où vous vous souvenez quand on l'avait fait sonner, parce qu'on l'avait décalé sans avoir payé et tout, hors de la zone, elle avait sonné en sortant du truc. Donc en plus, ouais, c'est vrai que t'as des zones où tu dois les déposer. C'est ça. Parce que je sais pas, ça doit être une zone plus sûre ou quoi. Bah, et déjà... ils les laissent partout et par terre et tout, et c'est l'enfer, quoi. C'est ça. Et après, il y a des mecs sous-payés, un peu comme Uber, pour aller recharger les trottinettes. Qui sont payés à la... Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Enfin, ouais. C'est vrai qu'il y avait ça à un moment. Bon, les amis, j'ai un jeu pour vous. Oui. J'ai pris des noms. J'ai repris une trade un peu qui est en ce moment sur les réseaux avec... est-ce que cette photo est de LinkedIn ou est-ce que cette photo est de Interpol? J'avais vu ça. Très, très bon. J'ai fait la même chose. Est-ce que ce ministre a été ministre sous Macron ou... Est-ce que c'est un gars qu'on recherche sur Interpol? Ouais. Ah. Mais nous, on n'a pas les photos, c'est plus dur. Comment, quoi? Non, c'est au nom, c'est au nom. Ok. Patrick Halimi, à votre avis? Interpol. Gouvernement. C'était Interpol, et maintenant, il y a un point bonus. Pourquoi est-ce qu'il est recherché sur Interpol? Ça peut être n'importe quoi, plus rien de politique, hein. Ah là, c'est Interpol. Surtout pour... oui, non, mais je veux dire, t'as pas pris que des gens... Non, okay. C'est... De tout. Bah, terrorisme, une catégorie de crime, hein. Association de malfaiteurs, bah ouais. Détournement international, tout ce qui est Interpol. Donc en effet, escroquerie réalisée en bande organisée, en récidive, blanchiment aggravé, concours à une opération de placement, dissimulation, conversion du produit d'un crime ou d'un délit. Ah ouais. Et après, il y a d'autres trucs, escroquerie en bande organisée, machin, blanchiment, machin. Ouais, mec, fort. Hein. Et il est recherché en France, mon bon Patrick. Mais... Il aurait pu être au gouvernement. À l'intérieur, par exemple. Ah, il y arrive bientôt, là. Attention, lourd. Dans ton quiz, là, il n'y a pas un twist où on peut dire les deux, hein. Attention. Ah, il n'y a pas les deux, malheureusement. Mais il y a un gars, je sais plus si j'ai gardé son nom, mais il y a un gars, il était un peu haut placé, genre, il était quasiment ambassadeur d'un truc ou quoi, j'ai vu sur le net. Donc, il y avait un gros ponte, un gars de la taxe carbone TVA. Ah, ça, c'était pas taxe carbone, mais c'était un truc de la TVA, encore. Putain. Alors ensuite, nous avons Chrysoula Zakharopoulou. Poulou, pardon. Voilà, je dis n'importe quoi. Ou Interpol. Et non, il était secrétaire d'État, ou elle était secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Oh. Et c'était gouvernement Borne. Ah ouais, rappelle. Mais à l'ancienne, c'était il y a longtemps. À l'ancienne. Ouais, putain, ça date. C'était il y a 10 ans encore. Olivier Vespa. Ah, j'aime bien le nom, gouvernement. Ouais, c'est le frère de Olivier Véran, donc. Non, Interpol, je pense. Interpol? Moi, j'ai en effet, Interpol. Ah, putain. Ton avis, enfin, à votre avis, pourquoi? Pour un point bonus? Vente de scooters. Vente de scooters. On est vraiment deux grosses merdes. Non, mais très bien tenté. Bah, classique, hein. Blanchiment, l'argent. En fait. Non, pas, c'est pas un gars du blanchiment. Proxénétisme. Ah, du terrorisme alors. Non, non plus. Une autre catégorie de criminels. Ah, tueur. Non. La mafia. Non. Est-ce que c'est un truc putain, je sais pas. C'est illégal, ouais. Oui, souvent. Plutôt. C'est de l'argent, c'est de la, c'est du C'est pas de crime. l'argent, c'est du crime, C'est un c'est violeur. pas un violeur, non. Mais bon, on s'en rapproche, je te la donne. Détention, enfin, je te la donne, il n'y aura pas le point. Hein. Détention d'image d'un mineur présentant un carrière pornographique. Et oui, le beau pédo, Génial. Olivier. Mais Il c'est est un recherché français en en France, plus. Ah mais tous ces ouais. gens sont actuellement recherchés, c'est ça Ouais, Interpol, c'est c'est la liste en cours. ces gars sur liste rouge, là. Donc, D'accord. si votre voisin s'appelle Olivier Vespa, attention le petit Kevin, hein, il faut pas le laisser traîner trop près. Rima Abdul Malak. Gouvernement. Ouais, Ouais, c'est bien, gouvernement. Brice, c'est bien. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle était? En effet, c'est le gouvernement. Tu veux un type de Alors, du ministre? coup, t'as pris quand même secrétaire d'État et trucs comme ça. Il y a de tout, mais là, je veux le gros truc rattaché, quoi. Genre la catégorie du ministère, quoi. La santé. Non. L'économie. Transition écologique. Ministre, enfin, les armées. Pas les armées. L'intérieur. L'intérieur? Non. Mais c'est huge, hein. Éducation nationale. Non. Ouais, donc c'est énorme. Justice? Non. Le dernier truc huge, je pense. Putain. Tu te fais engueuler au César, généralement. Ah, la culture. Exactement, c'était notre ministre de la Culture sous Borne. Encore Ah Borne. putain, bah oui, carrément. Donc on n'a absolument plus... Ouais, On la elle est connaît pas, connue pour le quoi. coup. Bah, ça a été un peu connu, quoi. Oui, mais nous on la connaît pas. Bérangère Couillard. Bah, pareil, je dirais gouvernement. Moi, je dirais Interpol. C'était gouvernement 3-3 Ah. Kylian égalise. Et à votre avis? Ouais, ça va être chaud là. Je vais vous le donner, Pareil, le gros c'était. truc, il faut sortir Ouais, le mais là gros je sais même truc. pas. Je sais même pas c'est quoi là. Je pense que c'est ministère de l'Intérieur. Je sais pas. Mais Bah, c'était, vas-y, bon, je elle vous le était donne au quoi? pire. C'était égalité homme-femme. Et lutte des Ah, contre bah ouais. discrimination. Je pense que c'est Elle intérieur, mais je était suis pas sûr. avec Aurore Berger. Bah, c'est un ministère particulier qui a été créé, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, mais il y a toujours des trucs rattachés. Enfin bref. Enfin, j'ai regardé Wikipédia tout à l'heure. Je m'emmerdais. Michael Haïk. Interpol. Interpol Bon, pour Brice. Interpol. Et en effet, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ce Grand petit Michael? banditisme. Exact, escroquerie en bande organisée. Il est recherché en Fort France. quand même. Attends, pour chacun, on connaît le pays où il est recherché ou c'est bah c'est mondial, Ouais, non? c'est marqué aussi. Ouais. Ah. Oui, mais en fait, ça a marqué le pays qui a fait la requête sur Interpol, quoi, en gros. D'accord. Et après, je suppose qu'ils vont le livrer ce gars-là s'ils le trouvent, j'en sais rien comment ça marche. Ah oui, il nous le ramène, par exemple, si c'était nous, la France. Ouais, par exemple. Bah, quand il s'appelle En fait, Olivier, ouais, c'est bon, on le veut pas trop, mais bon. chasseur de Malheureusement, primes, en fait. c'est notre ressortissant, il faut le juger chez nous. Et... Voilà. Après, s'ils peuvent le perdre. Tamara. Oui, s'ils peuvent le perdre, enfin, dans tous les cas, il est sûrement en Thaïlande, donc il est Ah perdu un bah peu. oui, il doit adorer. Tamara Malenik, à votre avis. Interpol. Interpol pour Kylian. Ah, bien joué. Brice, pareil. Moi, je dirais gouvernement. C'était Interpol. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, vous Ah ne pouvez putain, pas le je passe trouver. devant. Et soustraction d'enfants par ascendant, non-représentation d'enfants. Donc apparemment, tu peux être recherché Ah par bah Interpol. c'est C'est fou oui. ça, parce que ça peut arriver sans faire exprès, tu vois. C'était Après ton peut-être ça fait week-end, 15 genre. ans que t'as quitté le pays. Non mais Oui, c'est-à-dire que t'as mais quitté le pays ça surtout. peut aller Ah, il y a vite. moyen. C'était ton week-end, il fallait. Enfin, c'était plus ton week-end, il fallait rendre les gosses, t'es parti en vacances, puis après, enfin, ça peut aller très vite. Bon allez, après C'est je vrai, pense c'est que vrai. c'est pas ouais au bout de c'est pas 2 semaines où t'es pas dans Oui, le au pays, début, ils on font te pas demande gentiment, oui. requête Interpol, on vient te C'est chercher comme avec les comme les le SWAT. poubelles, quoi. T'oublies, après ça devient la honte parce que t'as trop oublié. Enfin voilà, quoi, t'es dans une spirale. Du coup tu pars, tu vis autre part, tu changes d'identité, hop. Tu brûles l'appart, quoi. Frédéric Valletoux. Gouvernement. Gouvernement pour Brice. Ah, pareil. Et en effet, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, SWATAL. Wow. Putain, l'ancien. Wow, Ensuite, impressionnant. Marina Ferrari. C'est la dernière Marina Ferrari? Comment ça, c'est la dernière? De sa C'est une famille, question, tu c'est une vois. question. Non, Non, c'est c'est pas une la. question. C'est la dernière de ton jeu. Non, c'est pas la dernière dans mon jeu. On peut Ça change arrêter quand quoi on veut. pour ta réponse, Kylian? Ouais, je te jure. Ah, si c'est la dernière, alors je dis Interpol. Ouais, il a vu un pattern. Il m'a lu. Non, c'est par rapport à la durée, le temps du podcast. T'inquiète, qu'est-ce qui nous embête celui-là. Moi j'ai dit Interpol. Interpol au gouvernement. Interpol, t'as dit Brice. Ouais, moi je reste là-dessus. Interpol pour Brice, et Kylian, gouvernement. Et gouvernement. Gouvernement. Ah. Gouvernement, on a dit quoi? Berhanni Farahi, c'était secrétaire d'État chargé du numérique. Eh ben. Oh là là. Ensuite, Thibaut Sabourin. Ah, gouvernement, Interpol, je dirais. Ou gouvernement. Interpol pour Brice. Gouvernement pour moi. Ouais. C'est Interpol. Ah. On est encore sur un coquin en bande organisée. Destruction en bande organisée du bien d'autrui ou par un moyen dangereux pour les personnes. Arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire d'otages pour faciliter un crime ou un délit. Commis en bande organisée, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, violence commise en réunion sans incapacité. Visiblement, la France en avait 2-3 contre lui. Ouais. Le dossier est solide. Georges Lofty. Interpol. Allez, gouvernement. Et non, il nous vient d'Interpol, ce petit coquin. Alors lui, il est recherché aux États-Unis. Tiens, vous pouvez. Ah non, vous pouvez pas, parce que c'est criminal possession of stolen property in the first degree. Donc je sais pas si c'est du vol ou je sais pas. Ou il a volé des maisons. Criminal possession of stolen property in the second degree. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, mais property. Oh, il était en pot. Ouais, il était en. La propriété, je sais pas si c'est un objet ou. Non, je pense que c'est tout. Enfin, d'objets volés, je pense. Ouais. Mais bon, Interpol, non, pas, quand même, le frérot. Était juste en position d'objet volé, quoi. Oui, mais beaucoup de vols, beaucoup d'objets. Ah, par contre, beaucoup d'objets, cher, je quoi. Pense. Après, ouais, ils disent in the first degree, après il y a in the second degree, in the third degree. Donc le mec a tout volé, le vol. Mec a tout, et ils lui en veulent, les États-Unis, pour ça. Mon bon Georges, qui est français, hein. Cocorico. Ah, parti voler aux États-Unis. Ouais, il a bien fait. Hein. Et si on peut plus aller aux États-Unis pour refaire sa vie, tel le Xavier Dupont de Ligonnès, c'est bon. Oui, le rêve américain, finalement. Voilà. Gilles Averoux. Gouvernement. Gouvernement. Ah, les gouvernements. Et on a fait quel ministère? Celui-là, il est trouvable. Justice. Non. Outre-mer. Non. Santé. C'est un des gros gouvernements. Enfin, un des gros, pardon, ministères. Ouais, c'est plutôt donc, gros. Je sais pas si c'est rattaché à un truc, mais c'est huge, quoi. Transition écologique. Non. Affaires étrangères. Non. Je crois qu'on l'a pas cité depuis tout à l'heure en plus, donc il doit pas en rester oula. Beaucoup des gros. Ah bah étant donné qu'ils ont créé tous les deux. Tout, non mais là c'est un des gros trucs, ça, c'est un des vrais trucs quoi. C'est... Économie. Non. C'est un ministre sous Barnier d'ailleurs, le bon Gilles. Putain. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ministère? La défense. Non. C'est d'habitude un ministère où il y a des gens un peu connus parfois. Bah, c'est toujours pareil, la culture. Non, des gens connus, j'ai dit. Mais connus dans quel sens? Des gens qu'on connaît de la vie civile, quoi, disons. Ok. Ça peut être des personnalités, un peu. Du sport. Le sport, en effet, Gilou. Ah. Ministre des sports, point bonus pour Brice, bien sûr. En plus, Barnier, c'est juste après les JO, en plus. C'était juste après les JO. C'est vrai. Eric Turner. À votre avis, ministre ou bien recherché sur liste rouge? Ministre, enfin, oh, gouvernement. Il était pirate. C'est vrai que c'est un bon nom de pirate. Bah, donc, c'est Interpol, surtout dans Pirates des Caraïbes, pour le coup. Interpol, je pense. Et en effet, Interpol. Pour pirate. C'était lui, le escroquerie à la TVA en bande organisée. Ah, ok. J'ai vu l'article tout connu, à l'heure, mais je me souviens plus. Ouais, c'était un gars un peu connu, mais genre, il y a une photo de lui avec des présidents et tout sur Internet. Enfin, genre... C'est vraiment. C'était quoi l'image tout à l'heure que j'ai trouvé? C'est Marco Mouli, quoi. Enfin, c'est l'équivalent de Marco Mouli. Ah oui, il y a une photo de lui avec le prince de Monaco. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et il était ambassadeur à l'UNESCO, voilà. Donc, oh bah, génial. Pas mal. Et c'était des gars qui fraudaient la TVA sur je sais plus quoi. Des belles personnes. Mais apparemment, il est en fuite, le bon Eric. J'ai l'impression que tout le monde a fraudé la TVA à un moment donné sur un produit. Quelconque. Ouais, mais il a fraudé, je pense. Ouais, oui, non, ouais. oui. Il a fraudé comme Eric. Et il a fraudé. Il a fraudé, quoi, je pense, tout simplement, parce que lui, il devait pas aller à moitié, quoi, comme les gars de la taxe carbone. Qu'est-ce que on a? Monique Barbu, tiens, très bon nom. Monique, c'est le gouvernement. C'est pas un nom de méchant. De Bonne analyse. méchant. Ouais, gouvernement aussi. Allez, gouvernement, en effet. Et elle, ministre de la Transition écologique, donc on l'a dit, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat de la nature. Et elle va peut-être tomber demain, enfin on ne sait pas, parce que c'est le cornu de le gouvernement, Monique. C'est notre actuel Ah, ministre. génial. Ah, parfait. Bah, Et nickel. on va finir avec qui? On va finir avec Didier Roux. Très bon nom aussi. Ouais, mais pareil, Bah, gouvernement. c'est pas le Gouvernement médecin qui a progressiste. c'est pas le médecin qui a dit la chloroquine, elle fait quoi Ah. Didier Roux? Non, je dirais Interpol. Et en effet, Interpol, et celui-là, est-ce que vous allez pour le dernier point bonus, qu'est-ce qu'il nous a fait Didier? Est-ce que c'est pas un pédo? Et en effet, Putain, Sexual ah, tu le Assault, connais personnellement? Putain, Sexual je suis trop Assault. Ouais, fort. Hein. c'est C'est ton oncle ou quoi? Ouais, non, mais c'est une autre de mes identités, donc. Et encore un Français recherché aux États-Unis parce que. Putain, je l'ai perdu, mais. Il est recherché. Non, il est cherché au Canada, pardon. Ouais, Sexual Assault, Sexual Interference, and Invitation to Sexual Touching Under 16 Years of Age. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Bah Donc, génial, bah génial, le bon Didier. très très belle fin, très beau personnage pour cette fin de jeu. Donc ça finit avec 11 points pour Brice et 1, 2, 3, 5 Putain, et 12 il pour me fait les Kylian. Oh là points. là, Ah, superbe. dans le cul, Brice, dans le cul, je te Super, baise. bien joué. Quelle fin. Très, ça Ah vous a plu? De ouf, très très bah bien. nickel, de ouf. Trop bien. Eh ben, on va finir sur les recos Oh en bah vite ouais, fait. allez. Hein. Cette semaine, et je dis cette semaine et pas 10 minutes avant l'enregistrement, je vais proposer un truc éphémère, un banger de courte durée, peu importe. Et si vous n'avez pas trouvé encore, moi je peux balancer les miens. Bah vas-y Julien. Alors moi, je vais vous parler d'un instant que les fans de foot ont vécu il n'y a pas si longtemps, c'était en 2022. C'était les 3 minutes pendant la phase de groupe de la Coupe du Monde où l'Allemagne et l'Espagne étaient éliminées au profit du Costa Rica et du Japon. C'était exceptionnel. Il y a eu 3 minutes où le Costa Rica est passé devant l'Allemagne, il me semble. Et exceptionnel, quoi. Vraiment le tableau live, tout le monde avait pris des photos et tout, quoi. Genre, t'avais vraiment Japon 1, Costa Rica en 2 et Allemagne-Espagne éliminées de la Coupe du Monde. Ah C'était un putain. bonheur. Et finalement, l'Allemagne a gagné le match après. Et sont allés se qualifier, il me semble. Bah Ou alors c'était donc l'Espagne, je sais moment plus. cool Mais bref. mais cool mais très court quoi. Cool C'est mais ça, très court. éphémère. Et oui, et du coup, c'était la reco en hommage à Le Cornu 1. Ils auraient quitté après 14 h quand même, donc. Ah bah oui. Et sinon, en série, moi j'avais la série Terra Nova. Série qui a eu qu'une seule saison. C'était en 2010, il me semble. Série très très bien sur. Produit par Spielberg, où c'était dans le futur. Des gars ont fait un espèce de portail pour retourner dans le passé, dans l'ère des dinosaures, parce que la Terre est plus habitable. Et du coup, on va coloniser le passé, mais qui est pas dans notre timeline à nous, pour pas avoir des interférences temporelles, en gros. C'était ça le Ah principe de la ouais. série. Et du coup, après, c'est globalement Jurassic Park. Non. Mais c'est trop bien. Genre, c'était vraiment trop bien qu'une seule saison horrible. Après, ouais, il n'y a pas moyen que ce soit renouvelé, rien, quoi. T'as pas de Ah mais c'est nouvelles, c'est terminé, fini, ça a fini. 15 ans, c'est fini cette histoire. Après, tu sais jamais, les trucs comme ça redevient hype parfois et. Mais je crois Ouais, qu'ils mais ont bon. fait un dessin animé ou un délire du genre, que j'ai pas vu hein, évidemment, mais. Et d'ailleurs c'est ma tape sur Ok. Disney+, voilà, si tout le monde veut regarder maintenant. Bah, C'est trop encore bien. visible. Je mets sur la liste. D'accord. Bah, je fais une petite reco sport et ensuite une autre reco. Petite reco sport, c'est évidemment la finale de la Coupe du Monde 2022. France-Argentine. On s'en souvient. S'en souvient très bien. Et S'en souvient très bah, bien, le tiens. moment, Ben, on s'en souvient, ouais, pourquoi le un moment très banger? cool, c'est le moment où il y a le triplé en pas longtemps, quoi. Triplé en je sais plus combien de temps, et t'es en mode Ah oui. vas-y, ça peut passer. Colomani qui part qui part en balle et voilà, et le moment s'arrête assez vite. Donc, truc cool, mais. Ah, c'est vrai que c'est quelques secondes sur cette action là, on croit qu'on peut les baiser à la 93e, c'était donc quand ça, même. Et autre moment. Mais la redescente après, elle était. La soirée. Les pénaux, c'était horrible. C'était terminé, quoi. À l'état dans lequel j'étais. Ouais. Bah, franchement, ouais, je passais une mauvaise. Mal dormi et tout, le lendemain, pas bien, quoi. Enfin, ça fout un coup. Et autre truc qui a pas duré assez longtemps à mon goût, c'est. Bah alors. Avec vous, on a eu peu de moments comme ça, mais genre, tu sais, les moments où tu joues le soir avec tes potes, quand t'es au collège, lycée, que t'as rien qui t'attend, je sais, tu vas juste en cours le lendemain, et genre, juste, tu profites, tu joues à Call of. Nous, on avait fait Rocket League, je sais pas si vous vous souvenez aussi avec Antoine et tout. Et ouais, les petites soirées. On l'a beaucoup fait, ouais. Petite soirée entre potes comme ça, où tu game et t'en bats les couilles, et le lendemain, t'en bats les couilles de ce qui se passe et tout, bah. Moment trop, pas assez longtemps, quoi. On en a pas assez profité, je pense. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais on pourrait encore en profiter, quoi. Ah, par contre, oui. Bah, il y a le nouveau Football Manager qui sort. Ah, c'est ce que j'étais sûr que t'allais me le dire. J'étais sûr que t'allais me le dire. T'as le temps maintenant, t'es diplômé. Ah, moi, la bêta sort bientôt. Moi, ça va être terrible, hein, par exemple. Après, on peut se faire une soirée semaine, enfin, voir comment on peut s'organiser. On dit ça à chaque fois, on fait jamais. Ouais, on fait jamais. Mais parce que ça prend 15 ans et demi une partie d'âge. Le problème, c'est qu'une saison, ça dure l'année entière, donc forcément. Ah, c'est un scandale. Mais Brice, t'es reco ? Ouais. En parlant d'un truc court là qui n'a pas duré. Vous vous souvenez de cette période quand il y a eu le Covid où on pensait que ça allait durer 2 semaines, que c'était un banger, des vacances comme ça, données par Dieu, quoi, tombées du ciel. Ah, c'était on ne se rendait pas compte de la galère dans laquelle on se mettait, ça allait durer 2-3 ans. C'est l'exact opposé. Plein de problèmes et tout. C'est l'exact opposé de la question, quoi. C'est un truc qu'on pensait qu'elle allait être et qui a duré cette hyper période, longtemps. Cette période très courte avant qu'on se dise que c'est la merde. Toi, on se disait ça, ouais, je suis d'accord. Même j'ai une période encore plus courte. Moi, je me rappelle, il y a eu l'annonce, c'était un mercredi, je crois, ou un jeudi. Mais le lendemain, c'est un samedi pour moi. On allait voter le lendemain. Mais t'es un fou, quoi. Quoi ? Il y a eu une période où on était confinés, où il y avait les municipales. Mais oui, le dimanche soir, la première. Annonce le confinement, et le dimanche. Et le dimanche, on va voter. Mais si. Mais bien sûr que si. Non, moi, je me rappelle très bien. Je me rappelle très, très bien. Parce que c'était en mars, le premier confinement, un truc oui. comme ça. Et il annonce ça un samedi soir. Non, c'est faux. C'est faux. Alors en 2020. Moi, je me rappelle très bien, c'était un jour, 2 semaines. Parce que le lendemain, on était à Lizen. Et que je me rappelle avec Charles, on dansait littéralement. Alors le premier, mais en fait, on a dansé toute la journée. Le 15 mars. Il y a eu plusieurs trucs, je crois. En pleine pandémie, c'était le 15 mars, le premier tour. Non mais cherche l'annonce, qu'est-ce qu'on s'en a à foutre des municipales, cherche les gens de l'annonce. Il y a eu plusieurs étapes. Parce que ça dépend de ça, et ensuite du coup je vais sur pandémie, maladie Covid-19, en France... Non mais cherche l'annonce du premier confinement, je me rappelle très très bien, c'était en semaine. Non mais je crois que... Oui, parce qu'on avait cours le lendemain. Il y a eu plusieurs étapes. Moi, je me rappelle très très bien de justement le jour avant qui est le confinement. Le 16 mars. On avait encore cours ? Non, le 16 mars, c'est un lundi. C'est bizarre. Bah, ils disent que... oui, il a commencé mars, le 16, mais quand est-ce qu'il l'a annoncé ? Non, mais nous, on veut le discours, là. Quand il y a eu le discours, il on s'est a annoncé le 16 mars. Mais non, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron annonce le premier confinement. Dès demain midi, donc dès le 17, on était confinés. Et pour 15 jours au moins. Ah, mais est-ce qu'il n'y avait pas un truc où les cours étaient annulés d'abord et après, on a confiné tout le monde ? Ah bon. Ah. Et du coup nous on se sentait pas concerné par le premier. Enfin si. Ah oui, il y avait un premier c'est exact, il y avait un premier discours où il a annoncé que les universités fermaient. Du coup, on était trop contents. Voilà, et sachant voilà. que du coup, c'était la veille qu'il y avait c'était les élections, quand, ça, donc Brice cherchait le truc. Parce que moi je me souviens vraiment d'un samedi soir, j'étais dehors, tu vois, et annonce. Et là, tu te dis, putain, dernière bière dans le barouté, dernier tour de voiture parce qu'après non, mais ça quoi. oui. Mais je me rappelle quand ils ont fermé l'école, ouais, c'était en semaine. Mais par contre, ça, oui, t'as raison, parce que je crois que dès le vendredi, on va pas à l'école, nous. C'était un délire comme ça. En tout cas, il y avait l'annonce, un dernier jour de cours, et après, c'était fini, quoi. Et je me rappelle ce dernier jour de cours, comment on avait dansé, parce que c'était la période où c'était trop chiant, en plus. Enfin, c'était très dur, quoi. Mm. Et vraiment, on l'a accueilli, mais comme le Messi, quoi, ce confinement-là. Voilà. Enfin, cette fermeture après le confinement, c'est autre chose. Et c'est vrai, excuse-moi, Brice, en effet, je me suis... Non, 20 minutes, on avait tout un peu raison, alors attendez, juste que... c'est vrai. Là, j'ai... Macron parle trop finalement, ce fils de pute, j'ai envie de dire. Le 12 mars, il y a 2 ans, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, tu sais, avec le Covid. Bah, qu'est-ce que tu nous racontes là, mon pote? Kylian, c'est ton téléphone que tu check là, c'est tes messages. C'est pas du tout. Non, bah écoutez, je trouve pas, il y avait un truc le 12 mars, mais j'ai plus. Voilà. Je pense que c'est on avait tous raison finalement. Bon, voilà. Enfin, surtout vous, mais moi, parce que j'ai confondu. On était heureux, enfin c'était le meilleur jour du monde, et après ça s'est suivi c'est par la pire année en termes de... Ah bah alors là... Voilà. Ah c'était autre chose. Voilà. Et sinon, bah, en parlant de série, on a parlé de Mindhunter tout à l'heure, mais c'était un petit banger qui dure que 2 saisons, et c'est bien dommage. Ça c'était que 2 saisons ouais, a... 2 ou 3, mais dans l'idée ça dure 2 saisons, quoi. Je sais pas comment ça a coupé, mais... Et vraiment, ouais. T'as jamais regardé, mais... Ça aurait pu durer 6 saisons après, bon. Ouais, après, il faut trouver les idées mais aussi. C'est ce que, hein. Ouais, c'est ce que tout le monde dit, quoi. Mais ils font tous des séries sur des tueurs en série en unitaire. Pourquoi ils n'ont pas fait que Mindhunter? Ouais, c'est vrai. Sachant que t'avais le meilleur réal possible pour filmer des fous, quoi. Ah bah, clairement, oui. Mais bon. Surtout que je crois que c'est ça qui a lancé la mode, s'il y a eu Dahmer et tout, après, là, maintenant, c'est peut-être grâce à elle, quoi. Je sais pas. Bah, ça a lancé le truc un peu, c'était, ouais... Je sais pas si ça a lancé le truc, mais c'était... Ouais, c'était dans cette période-là où ça commence à arriver, quoi. Parce qu'il y avait un autre truc avec des chelous, non? Ah, ça me dit rien. Enfin, je sais pas. Bah, avec le gars... Ah non, c'était peut-être après, parce que le gars de Mindhunter qui a joué... Comment il s'appelle, le mec avec une croix gammée sur le front, là? Charles Manson? Ouais, Charles Manson. Lui, il a joué Charles Manson dans une autre série, je crois, après. D'accord, putain. Catalogué Charles Manson, d'accord. Ouais, je crois. Ou alors, c'est le gars qui jouait dans le film de Tarantino ou un truc comme ça. Enfin, je crois qu'il l'a fait plusieurs fois, quoi. D'accord. Le mec doit avoir la gueule de l'emploi. Bon, bah, les voilà. Amis. Ouais. C'est belle parole de Charles Manson. Un épisode qui se termine sur les chapeaux de roue. Et au final, 1h07, on n'a pas du tout fait plus court. Ouais, vous cassez les couilles. Voilà. Bien pour faire il est tard, la soirée n'est pas il finie. Vous faites chier. Ça va, on a dépassé de 22 minutes. C'est quoi 22 minutes? Qu'est-ce que t'allais allez. Faire? Ciao l'équipe. Non, attendez, il faut qu'on fasse la promo. Suivez-nous. Faites des trucs là. Ouais, partagez. Écoutez Julien faire la promo. Allez, ciao l'équipe. Sérieux, putain, quelle merde. Bon, allez, des bisous, on la fera plus tard, c'est pas grave. De toute façon, personne nous écoute, allez vous faire enculer. Ciao, bisous. Allez, bisous.